الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد On a commencé hier, alhamdulillah, ikhwat al-iman, à parler du jeûne. Et on a dit que c'était obligatoire, que tous les musulmans, toute la communauté, le consensus était réuni pour dire que le jeûne du mois de Ramadan était obligatoire. Et on a parlé des hadiths et de la mise en garde de ceux qui rompent le jeûne, que leur châtiment, ils seront accrochés par leurs chevilles et que leur bouche sera déchirée et que le sang couleront de leur bouche. Pour ceux qui ne jeûnent pas les jours de Ramadan. La vertu du jeûne. Il y a beaucoup de hadiths et de versets qui sont énoncés en cela. Que le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'auparavant avant vous. Certainement serez-vous pieux. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith al-Qudsi, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, tous les actes du fils d'Adam sont pour lui, sauf le jeûne. Il est pour moi, wa ana ajzi bihi, et c'est moi qui en donnerai la récompense. Kadhalika, que le jeûne, il n'a pas de pareil parmi les adorations. Comme il est rapporté dans le hadith de Bayhaqi, et qui est un hadith sahih, le jeûneur, il a une invocation qui ne sera pas rejetée. Kadhalika, le jeûneur aura deux joies. Une joie quand il va rompre son jeûne, et une autre joie quand il va rencontrer son Seigneur, et qu'il va voir la récompense qu'Allah Ta'ala lui a préparée pour son jeûne. Naam. Kadhalika, comme a rapporté l'imam Ahmed dans son Musnad, que le jeûne va venir le jour du jugement dernier, va dire, Ya Allah, je l'ai empêché de se nourrir et d'approcher ses plaisirs pendant les journées, alors permets-moi d'intercéder pour lui. Kadhalika, que l'haleine du jeûneur, elle est meilleure chez Allah, elle a une meilleure odeur chez Allah que l'odeur du parfum. Kadhalika, le jeûne est un bouclier et une protection contre l'enfer. Dans le hadith rapporté par Muslim, celui qui jeûne un jour, fi sabilillah, pour le visage d'Allah, Allah, par ce jour-là, va éloigner son visage de l'enfer de 70 automnes. Vous vous imaginez? Pour tout jeûne, que ce soit l'obligatoire, ou le surrogatoire. Tout ce qu'on vient de lire, c'est la valeur du jeûne en général. Kadhalika, celui qui commence un jeûne pour Allah, pour le visage d'Allah, tabarak wa ta'ala, ou dans l'espoir de voir le visage d'Allah le jour du jugement, puis qui finit dans cette intention-là, alors cette personne-là, il entrera au paradis. Que s'il meurt dans cet état-là, il rentre au paradis directement. Naam. Kadhalika, il y a une porte au paradis qui s'appelle Rayyan, elle est faite pour les jeûneurs. Quand les jeûneurs vont y entrer, elle va être fermée, personne ne pourra entrer par cette porte. Et en ce qui concerne le mois de Ramadan, il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la valeur de Ramadan en disant, quand le mois de Ramadan entre, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer se ferment et les shayatines sont attachées. Dans un autre hadith, il vient taqyid, les chefs des shayatines, les grands, sont attachés. Mais les petits sont encore un petit peu et ils sont là. Malheureusement, les gens, les petits, ça leur suffit pour faire le haram. C'est pour ça que tu les vois et continuent. Voilà qu'il les gens pieux qui d'habitude c'est les grands shayatines qui s'occupent d'eux, ils sont tranquilles pendant ce mois-ci parce qu'ils sont attachés. Naam. Beaucoup de gens croient que ça veut dire si quelqu'un meurt pendant le Ramadan, il va au paradis là. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les portes du paradis sont ouvertes, c'est-à-dire pour motiver les gens à faire du bien. Les portes de l'enfer sont fermées pour décourager les gens à faire du mal pendant ce mois-ci et pour encourager les gens vers le bien parce que les gens pendant ce mois-ci font beaucoup de bien. Donc les portes du paradis s'ouvrent pour motiver les gens du bien à faire le bien. Parmi les bienfaits de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui jeûne le mois de Ramadan, c'est comme s'il avait jeûné 10 mois. Allah lui compte comme le jeûne de 10 mois. C'est pour ça que quand il finit avec les 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait fait une année entière. Il faut savoir aussi, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et conviction à Allah et en attendant la récompense d'Allah, Allah lui pardonnera ses péchés passés. Il faut savoir aussi que chaque nuit de Ramadan, Allah tabaraka wa ta'ala, comme il est rapporté dans le hadith sahih, rapporté par l'imam Ahmed, a franchi des gens de l'enfer. C'est-à-dire des gens qui étaient destinés à l'enfer, Allah il les sauve de l'enfer, il les affranchit de l'enfer. Il n'y a qu'Allah qui connaît combien est le nombre de ces gens-là. Tous les hadiths qui sont rapportés pour dire le nombre des gens qui sont affranchis sont des hadiths da'if. Ce ne sont pas des hadiths qui sont véridiques. Donc tous ceux qui disent il y a 1000 ou 100 000 ou 10 000, etc. Ou le soir de l'Eid, tant de milliers, tout ça ce ne sont pas des hadiths sahih. Ce que l'on sait, c'est qu'Allah affranchit un nombre que lui seul connaît. Chaque nuit du Ramadan, chaque nuit qui tombe, il affranchit des gens de l'enfer. On va finir avec ce hadith qui est vraiment, subhanallah, ce hadith, il est simple dans ses actes en vérité quand on voit, mais sa récompense elle est grande. Ce hadith qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit: Ô messager d'Allah, vois-tu si je témoigne qu'il n'y ait nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah? Et que j'accomplis les 5 prières et que je m'acquitte de l'aumône légale, zakat, et que je jeûne le mois de Ramadan en célébrant ces nuits en prière, c'est-à-dire en priant la nuit. Dès lors, de quel groupe ferai-je partie? Il lui a dit: tu feras partie des véridiques et des martyrs. Subhanallah, ikhwat al-iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: tu feras partie des martyrs et des véridiques, les plus hauts degrés du paradis. Combien cette religion elle est facile et combien elle est belle. Que le fait de se tenir à ces 5 piliers et de le faire exactement comme il faut, c'est une cause pour faire partie des véridiques et des martyrs. Ça ne veut pas dire par là qu'on va délaisser les autres obligations de l'islam, ou bien qu'on peut se permettre de faire le haram à part cela et on fera partie des véridiques et des martyrs. Là, abadan. Ça veut dire qu'une personne qui fait ces actes-là comme il faut, automatiquement elle va tenir les autres obligations et elle va s'éloigner des autres interdits. Quelqu'un qui fait comme il faut ces 5 piliers, comme il faut, la vraie prière, shahada, le témoignage sincèrement du fond de son cœur, car la sincérité du témoignage, elle t'éloigne du haram. Quelqu'un qui a dit la vérité de la ilaha illallah, dans la ilaha illallah, il y a le minimum et il y a le maximum. Quand quelqu'un il a la vérité de la foi dans le cœur, ça l'empêche de faire les grands péchés. Ça l'empêche aussi d'être constant dans les petits péchés. Quelqu'un qui fait la prière comme il faut, comme le prophète, comme Allah Ta'ala dit, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière éloigne des actes blâmables et des actes immoraux. Donc la vraie prière, elle t'éloigne de ces actes-là. De même le jeûne. Si tu fais le jeûne comme il faut, tu vas avoir gagné, tu gagnes quoi à la fin du jeûne? La'allakum tattaqun, tu seras parmi les muttaqin, les gens pieux. Donc les muttaqin, c'est ceux qui ont les plus hauts degrés au paradis. Et là, ces 5 piliers-là, si on leur donne leur importance et on les pratique comme il faut, ikhwat al-iman, et on s'y prépare, on fait des prières surrogatoires, des jeûnes surrogatoires, des actes en plus pour les renforcer, ils vont être la cause, incha'Allah, qu'on soit yawm al-qiyamah parmi les martyrs et les véridiques. Allahumma ja'alna minhum bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.